franceinter.fr. Aujourd'hui dans l'affaire sensible, l'affaire Malik Oussekine. Un nom revenu dans nos mémoires ces derniers mois parce que, coup sur coup, deux événements ont placé au cœur de l'actualité la question des violences policières. Cet été, Adama Traoré mourait après une interpellation dans des conditions troubles à Beaumont-sur-Oise. Et puis il y a quelques semaines, c'est un jeune garçon, Théo, qui était victime d'une violente agression lors d'un contrôle de police à Audet-sous-Bois. Malik Oussekine, lui, avait 22 ans, tabassé dans une rue du quartier latin par des policiers voltigeurs un soir de décembre 1986 à la fin d'une manifestation. Son histoire est celle de la naissance d'un symbole apparu lors d'un mouvement étudiant sans précédent depuis mai 68 contre un projet de loi de réforme de l'université. Si le contexte et les conditions de ces différentes affaires ne sont pas les mêmes, rouvrir le dossier Oussekine permet de s'interroger aujourd'hui sur cette question des rapports entre la police et les citoyens, les discriminations sociales, mais aussi territoriales et politiques. Pour revenir sur ces questions en seconde partie d'émission, nous recevrons le sociologue et philosophe Geoffroy de Laganerie, auteur d'un essai intitulé « Penser dans un monde mauvais » publié en septembre dernier aux éditions PUF. Vous entendrez également un reportage d'Alaël Verzo qui s'est rendu à Aulnay-sous-Bois, la cité de la Rose des Vents, en pleine affaire Théo. Affaire sensible, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Mézonome avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Priolet-Izard, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Stéphane Ronxin, à la technique aujourd'hui Ronan Maher. Fabrice Drouel, Affaire sensible, sur France Inter. 6 décembre 1986, au petit matin rue Monsieur le Prince, seul derrière une porte cochère, un jeune homme est retrouvé sans vie. Ce matin-là, par milliers d'étudiants lycéens se sont retrouvés sans un bruit pour pleurer le disparu. La joie et les rires des semaines passées, du retour de cette jeunesse sur les boulevards de la capitale, laissent place à la tristesse et à l'amertume. Un des leurs est mort cette nuit, il s'appelait Malik Oussekine. Malik n'est pas étudiant à la Sorbonne. Il n'a pas pris la parole lors d'une assemblée générale. Il n'a pas tracté aux portes de son université. Il est étudiant dans une école de commerce. Point. D'ailleurs, il n'a peut-être jamais manifesté. Il n'est pas sur les devants de la scène en cas de mouvements sociaux. Il a 22 ans. Oh, il a sans doute lu des choses sur la réforme de Vaquet, l'avenir de l'université. En mars, il a probablement voté aux législatives. Il a 7 frères et sœurs, mais tout cela, ceux qui manifestent au lendemain de sa mort, de la Sorbonne jusqu'à la Bastille, ne le savent certainement pas. La vie intime de Malik Oussekine s'est échappée avec son sang sur le trottoir de Paris. Il n'aurait pu être qu'un jeune, noyé dans la masse. Il est devenu figure du martyr pour cette jeunesse qu'on imaginait rangée et sage en cette fin de décennie 80. Alors les manifestants en deuil marchent dans Paris en silence, formant un long cortège avec juste un nom sur les pancartes, celui de Malik Oussekine. Il dépose des fleurs, une première fois devant l'hôpital Cochin où le jeune homme fut déclaré mort, puis devant l'institut médico-légal où son corps demeure désormais. En fin de journée, vers les Gobelins, à la vue des forces de l'ordre, certains expriment leur fureur. Les étudiants sont en train de porter les barrières. C'était là, il a reçu un pavé dans la figure. Il a titubé et puis après, il saignait de partout, j'ai du sang. Les CRS ont reçu sur leurs boucliers des barrières métalliques et des pavés. Ils ont répliqué à coups de grenades lacrymogènes. Incident bref, mais très violent. Son nom s'installe dans nos mémoires, comme celui d'ailleurs du ministre Alain de Vaquet, au cœur des événements pendant les 3 semaines de lutte estudiantine. Dès l'annonce de la nouvelle, il a démissionné, lâché par ses confrères, meurtri par la perte de cet étudiant. Jacques Chirac annoncera le retrait total de son projet de loi le lundi 8. Les étudiants et les professeurs reprennent alors le chemin des cours. Au ministère de l'Intérieur, dans les couloirs du pouvoir, on essaie de cacher l'inavouable. 20 ans plus tard, sur une plaque de la rue Monsieur le Prince, on peut lire « À la mémoire de Malik Oussekine, étudiant âgé de 22 ans, frappé à mort lors de la manifestation du 6 décembre 1986 ». Pourquoi ? Pourquoi était-il là ? Et surtout, qui sont les responsables ? « 1986, Meudon, la forêt, Île-de-France. Depuis plus de 20 ans, la famille Houssekine vit dans un HLM construit derrière la forêt. Il y a 8 enfants, dont le plus jeune s'appelle Malik. L'Algérie, ils l'ont quitté en 1953, un peu avant la guerre d'indépendance. Le père travaille d'abord dans les mines de charbon, puis multiplie de petits boulots, camionneurs, maçons. Après une tentative de retour seul en Algérie pour lancer son entreprise, il revient en France et y décède en 1978. La vie de famille s'organise alors sans le père autour des grands frères. Mohamed, l'aîné, est le plus proche du Benjamin. À la fin du lycée, lui trouve une chambre de bonne pour qu'il étudie le droit à la fac. Bon, le droit n'est pas une passion pour Malik, mais il tient le coup. Il espère trouver sa voie et changer d'orientation. Le 16 mars 1986, il est peut-être rentré chez sa mère pour voter ou profiter de ce week-end de printemps. Il semble bien loin, en tout cas, de l'effervescence politique qui agite une partie des Français. 16 mars 1986, 20h, résultat des législatives. La droite revient aux affaires. À l'Assemblée, le RPR Jacques Chirac et l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing remportent une victoire historique sur le Parti Socialiste et ses alliés. Oui, historique, parce qu'elle débouche sur la première cohabitation de la Ve République et parce que le scrutin à la proportionnelle a permis à 35 députés du Front National d'entrer au Palais Bourbon. On les a placés tout en haut à droite, tout près de l'issue de secours. François Mitterrand nomme Jacques Chirac Premier ministre. Il va lui falloir gouverner avec ceux d'en face, comme il dit. Comme si l'histoire se retournait, mars 1986 efface les espoirs de mai 1981, plus ou moins effacés d'ailleurs par ceux-là même qui l'avaient dessiné, le tournant de la rigueur était passé par là. Dans tous les domaines, le gouvernement de droite, désormais aux commandes, souhaite faire table rase du passé. Alors il privatise, lance un chantier sur le droit au licenciement, médiatise sa lutte contre la drogue, innove en matière d'immigration avec les vols charters, projette une université nouvelle. Le 10 avril, Jacques Chirac annonce l'abrogation de la loi Savary et lance le chantier d'une université libérale et autonome basée sur l'excellence et la sélection. Un vrai programme de droite. C'est Alain Devaquet, un professeur de chimie entré au RPR en 1978, qui est chargé de mener la réforme. Au début de l'été 1986, le ministre Alain Devaquet indique ne pas vouloir bouleverser les choses. Pourtant, sa réforme est explosive. Car derrière le maître mot « autonomie » se cache, entre autres, la fin du caractère national des diplômes, la libéralisation des frais d'inscription, l'introduction de la sélection. Pour les étudiants, nos universités deviennent des marques, des écuries qui sélectionnent leurs poulains. À la rentrée universitaire 1986, deux camps se font face. Là sont les raisins de la colère, et les raisons également. Le ver est dans le fruit. Les syndicats de gauche entament le travail d'information auprès des étudiants, pendant que des présidents d'universités de droite, comme Jacques Bompère, de Paris 4, célèbrent un peu trop tôt ces universités qui ouvrent le savoir au capital. Alors, on semble s'orienter vers une université de plus en plus libérale. Je crois que vous direz que vous en êtes assez partisan. Est-ce que vous avez les moyens pour cela ? Eh bien, il s'agit d'être un peu inventif. Au fond, l'université de l'an 90 ou de l'an 2000 ne sera pas exactement celle des années 50, c'est-à-dire une université qui demandait tout à l'État. Je pense que de plus en plus, il faut que les universités trouvent leurs propres ressources. Je pense à une indication qui a été donnée par le ministre Némonori, celle de la déduction fiscale pour les entreprises, par exemple, qui financeraient les universités. Voilà une voie à explorer. Il y en a d'autres. Il nous faudra, je pense, dans un délai assez raisonnable, trouver une grande partie de nos ressources par des moyens propres. Après tout, cet appel à la prise en responsabilité des universités par elles-mêmes me paraît porteur. À Meudon, la forêt, Malik, lui, revient d'un séjour aux États-Unis sur le conseil de son frère, qui le pousse à voyager dans les pays voisins ou lointains. Avant de partir, il s'est inscrit à l'EPSI, École supérieure des professions immobilières. Tous les matins, il arrive en cours, en costume-cravate, attaché case à la main. Un élève modèle, jamais en retard, toujours attentif et curieux. Peut-être a-t-il trouvé sa voie. En plus de l'école, Malik s'est inscrit à la fac de Dauphine pour y suivre des activités sportives. Le soir, il rentre dans le 17e arrondissement, où se situe sa chambre de bonne. Comme des milliers d'étudiants à Paris, il monte ses 6 étages quotidiens, pas d'ascenseur, et retrouve ses quelques mètres carrés qui abritent son lit, une petite table et un lavabo. Les frais d'inscription pour l'école sont chers, Malik ne veut pas rater sa chance. Les semaines passent, sans heurts, sans crainte du lendemain, mais dans les universités publiques, l'ambiance est tout autre. Dijon, Jussieu et la Sorbonne sont aujourd'hui en grève pour dire non à la sélection. Ouais. 17 novembre 1986, à l'université de Villetaneuse, les étudiants rassemblés en assemblée générale votent la grève contre le projet de loi Devaquet. Paris 300 s'y essuie, puis viennent les votes à Saint-Denis, Nanterre, Tolbiac, Jussieu et dans des dizaines de facultés de province qui savent que leur existence même est menacée. Le 22 novembre, ils sont des milliers à protester dans la rue contre le projet Devaquet. Beaucoup se retrouvent à la Sorbonne pour les états généraux des universités. À la fin de ce mois de novembre, dans les couloirs de nos facs, deux philosophies se font face, celle des grévistes et celle des autres, comme souvent. Les premiers font la tournée des amphithéâtres, parlent, discutent de l'avenir et de l'histoire de l'université, de l'importance des filières de recherche des sciences sociales et humaines, jugées non rentables par certains. Les seconds continuent à ne faire que passer. Et comme par tradition, lors de tels mouvements, c'est dans l'amphithéâtre de gestion que la tension est la plus forte. Bon, on va essayer d'être rapide, de ne pas trop vous gêner. Donc un certain nombre d'entre vous ont dit on ne comprend pas, on ne comprend rien à ce que vous avez dit. Donc voilà, on va vous faire l'information. Pardon ? C'était pas clair. Alors on va essayer d'être plus clair que ce matin, de vous expliquer ce qui se passe un peu partout, et notamment en Sorbonne. Non, mesdames et messieurs, l'heure étant passée, nous reprenons le cours. Dites-moi, il y a eu cette intervention dans le cours, pourquoi est-ce que vous restez en amphi? Je reste pour travailler, parce que je suis ici pour travailler, voilà. Je travaille. La loi, qu'est-ce que vous en pensez? La loi, pour l'instant, rien. Pour l'instant, rien. Mais a priori, je suis pas contre. A priori, je suis pas contre. L'intervention de vos camarades, là? Totalement déplacé. Nous, il n'est pas de notre propos de bloquer la fac pendant un mois. Nous voulons manifester pendant quelques jours le temps de montrer à Devaquet qu'il a tort et lui montrer que nous sommes contre. Mais nous ne voulons surtout pas perturber les cours. La meilleure preuve est que nous sommes sortis après l'interclasse, après notre intervention, et nous avons laissé Monsieur Chaud faire son cours. Devaquet, Aucune hésitation. Monsieur le ministre. Ta nouvelle loi. Elle est sinistre. Lorsqu'on veut faire de nos universités des marques, les étudiants et les professeurs de gestion hallucinent. Mais en cet automne-là, l'illusion ne dure qu'un temps, car la rue ne désemplit pas. Le 27 novembre, ils sont près de 500 000 étudiants, lycéens, enseignants rassemblés devant les grilles de l'Assemblée nationale. Le jour même, Alain Devaquet sur le plateau d'Antenne 2 pour tenter de répondre aux inquiétudes des étudiants et des lycéens. Il parle de flexibilité et essaye de trouver la parade sur les sujets épineux. Alors il relativise et promet de sauvegarder certains principes. Dans les rangs des manifestants, tous refusent la fin de l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur. Il retoque la sélection par l'argent et réfute la création de diplômes locaux. La Sorbonne, Jussieu, Amiens ou Rennes 2 ne sont pas des labels. L'université est une et indivisible. Seul le bac doit être la porte d'entrée vers la fac, pas son lieu de naissance, pas la richesse des parents ou la mention obtenue au lycée. Alors la lutte se poursuit et s'organise autour d'une coordination nationale des étudiants élus. Leur mandat est simple, abrogation de la loi Devaquet. En quelques jours, l'automne se transforme en printemps étudiant. Le 30 novembre, Jacques Chirac descend dans l'arène. Lors d'une émission de télévision, le chef du gouvernement entr'ouvre la table des négociations. Le texte que j'ai retenu et que j'ai présenté au Conseil des ministres, enfin que les ministres compétents ont présenté au nom du gouvernement, n'est pas clair sur tel ou tel point, contrairement à ce que j'avais pensé. Eh bien, il faut naturellement le modifier sur ces différents points. Il n'y a pas de divergence de vue sur le fond. S'il y a des problèmes d'expressions qui peuvent prêter à ambiguïté, eh bien, la concertation nous permettra de les modifier. Donc on peut penser que ce texte modifié, si nécessaire, après une discussion, devrait revenir à l'Assemblée nationale d'ici à 15 jours. Le plus rapidement possible, naturellement. Je ne suis pas à 3 jours près, bien sûr. Mais au cours de cette session, je le souhaite. Or, l'annonce du Premier ministre n'a qu'un effet amplificateur complètement contre-productif. La veille de cette déclaration, la coordination nationale avait appelé une grande manifestation pour le jeudi 4 décembre. Le gouvernement ne souhaite pas les recevoir avant cette date. Alors les étudiants font de ce rendez-vous le tournant de cette lutte. De toute la France, par bus ou par train, ils arrivent à Paris. Là, de Bastille aux Invalides, sur 8 kilomètres de long et en province, ils sont près d'un million d'étudiants, lycéens et professeurs à chanter, à scander des slogans et pour certains à répondre aux journalistes comme David Assouline et quelques autres. Je pense que ce gouvernement n'est pas plus bête que les autres. S'il y a un million de jeunes dans la rue, il est obligé de retirer ou sinon il apparaîtra comme le gouvernement qui prend les mesures les plus antidémocratiques qu'il soit et qui ose se mettre toute la jeunesse de France à dos. Parce que la jeunesse, elle a besoin de se défendre. Quand on voit à l'heure actuelle tout ce qui se passe, disons que l'augmentation pour faire payer la, pour aller aux écoles, tout ça, vraiment, je suis pour la jeunesse, quoi. Moi, je suis aussi un ouvrier. J'ai eu des enfants quand à l'école. Et si je voyais maintenant qu'on pourrait payer pour mes enfants, qu'on les faire payer maintenant, eh ben, je crois que je serais content que mes enfants y allaient aussi dans la manifestation. Ce 4 décembre, à la sortie de la manifestation, des membres de la coordination nationale sont reçus par le ministre de Vaquet, accompagné par le ministre de l'Éducation, René Monory. Le pouvoir change d'interlocuteur. Il met en avant René Monory pour traduire un changement d'attitude. Mais à la sortie de la réunion, c'est l'impasse. David Assouline, porte-parole de la coordination nationale, annonce devant les micros et les caméras l'échec de la discussion. Les ministres refusent l'abrogation du projet de loi. L'intérieur envoie dans la foulée les forces de l'ordre sur la place des Invalides. Le pouvoir mène la charge. Paris s'embrase. Après le choc de l'esplanade des Invalides, c'est le quartier latin qui se mobilise. De Saint-Michel au parc du Luxembourg, de Maubert à l'Odéon, des voitures deviennent barricades, des poubelles se transforment en brasiers. D'un côté, on enfile les casques, de l'autre, on serre les écharpes. Les projectiles volent, les coups tombent. Bilan des dizaines de blessés, dont François-Laurent Rigal, étudiant de 22 ans, qui perd un œil. Malik Osekine n'est pas présent ce soir-là. Il est chez lui, ou ailleurs. Demain, il ira en cours, comme tous les jours depuis la rentrée. Ce sera sa dernière journée. Vous qui restez si bien de glace, souffrez que mes mots dépassent le peu de raison que je tienne quand vous laissez ma peine en disgrâce. Devant votre indifférence, je perds un amour immense pour lequel j'avais au départ, comme au jeu de hasard, peu de chance. Avec leur magnificence, n'égaleront jamais en vous cet orgueil qui se joue d'insolence. Des opéras de misère vous feront gloire de l'enfer, où je vais tomber à genoux en découvrant le goût de l'absence. Long est le chemin qui me mène vers le nouveau monde, aussi longue est la nuit qui me fait penser à vous. 5 décembre 1986, dans toute la France, des manifestations spontanées se déroulent contre les violences policières de la veille. À la fin de la journée, à Paris, des manifestants remontent le boulevard Saint-Michel, prennent la rue des Écoles, tournent à gauche, puis remontent en courant vers l'entrée de la Sorbonne. C'est décidé ce soir, ils occupent l'université. Le temps est doux, l'espoir est grand. Et si l'hiver se transformait en un mois de mai historique, un deuxième 68, un fantasme que l'on ressort volontiers en cette fin d'automne 86? Dans la journée, Jacques Chirac a rencontré les dirigeants de sa majorité, les présidents des assemblées et les ministres concernés. Le chef du gouvernement décide de laisser les coups des franges à René Monory, ministre de l'éducation de 1977 à 1981. Il a l'expérience et la poigne qu'un devaquet n'a pas. Devant la Sorbonne, les journalistes attendent avec les étudiants la déclaration du ministre Monory prévue au journal de 20h. Je voudrais maintenant m'adresser aux jeunes, étudiants ou lycéens qui m'écoutent. Je voudrais vous parler avec mon cœur. Je comprends très bien votre angoisse en ce qui concerne votre emploi et plus généralement votre avenir. Il faut que vous sachiez que le gouvernement fait tout son possible pour vous donner le plus de chances de réussir dans la vie. C'est un discours de vieux, malheureusement. Il nous prend pour des c'est dommage. C'est pourtant, c'est pourtant quelqu'un de relativement intelligent, mais je ne sais pas, il l'a perdu avec le mouvement étudiant. Mais je veux dire, nous, on est un mouvement responsable. On lutte pour quelque chose, pour le retrait de ce projet. Il ne nous parle jamais de ça. Il va toujours nous parler en politicien, il va toujours tourner autour de la plaque, mais jamais il va aller au fond des choses. À l'intérieur de la Sorbonne, ils sont encore 200 à 300 à attendre qu'on les déloge. Certains s'assoupissent dans l'amphithéâtre Richelieu, d'autres rencontrent les étudiants venus de province, d'autres encore discutent dans la cour sous le regard de Victor Hugo, devenu statue. Au loin, au milieu de la Seine, sur l'île de la Cité, ce sont les moteurs des motos qu'on fit rugir. Vers minuit 30, on a donné l'ordre de rassemblement à l'unité des voltigeurs, un peloton de garde mobile à moto. Ils sont deux par engin. L'un conduit et assène des coups de pied pendant que l'autre, juché sur les cale-pieds, use de sa longue matraque en bois. Sur l'île de la Cité, 48 hommes se préparent, uniforme bleu marine, casque blanc. Parmi eux, les brigadiers Schmitt et Garcia. Les moteurs ronronnent. Ce soir-là, Malik a dîné dans son quartier, puis il est remonté chez lui vers 23h30. Pourquoi est-il redescendu? Pour une fille? Pour voir un ami? Un concert? Personne ne le sait, ça le regarde. Malik est un inconditionnel de jazz, alors peut-être un concert, oui. Le vendredi soir, des groupes jouent gratuitement dans certaines caves de la rue Saint-André-des-Arts. Mais ce soir-là, dans ce quartier, ce sont les sirènes de la police qui donnent le tempo. Vers 1h du matin, la Sorbonne est évacuée par les forces de l'ordre. Certains retournent les voitures, d'autres lancent des pierres. Des passants aux émeutiers, tous sont pourchassés. Ils zigzaguent dans les rues, aux alentours de la place. Ils cherchent une issue de secours. Les CRS, eux, chargent sans distinction. Sur leur moto, les premiers voltigeurs rompent les rangs. Comme les autres, Malik est pris dans la foule des fuyards, tous ceux qui ont peur de se prendre un coup de matraque. Comme les autres, il devient une cible. Seul, la peur au ventre, essoufflé, il court, cherche un abri. Il remonte la rue Monsieur le Prince. Au vin, une porte est entrouverte. Un autre pourchassé du soir le laisse passer. Il entre. Trop tard, les policiers l'ont rattrapé. Les hommes casqués bloquent la porte, puis entrent. L'abri devient un piège à la merci des forces de l'ordre. À ce moment précis, en plein centre de Paris, frappé par la police, un jeune homme meurt dans un hall d'immeuble. Juste ici, là, devant, j'étais à peu près à une cinquantaine de mètres. Et juste à côté du feu rouge, à un certain moment, il y avait les flics, c'est-à-dire les CRS, qui barraient la route des deux côtés. La rue Monsieur le Prince au niveau de la rue Racine jusqu'au niveau de la rue Vaugirard. À un certain moment, en reculant, il y avait tous les motards, c'est-à-dire en derrière des guêpes. Ils étaient deux par moto, un qui était derrière avec une matraque et l'autre qui conduisait. Et ils se sont arrêtés au niveau du feu rouge, au niveau de la rue Racine. Et là, je les ai vus à trois sauter et s'acharner contre un mec. Et plus tard, parce qu'en allant le voir, j'ai constaté, je l'ai reconnu à sa veste, à son blouson, il était gris. Et c'était le même qui était allongé dans à la porte cachère. Le lendemain, le nez enflé, les lèvres boursouflées, Paul Bezelon, haut fonctionnaire du ministère des Finances, raconte les derniers instants de Malik Oussekine. C'est lui qui lui a ouvert la porte au numéro 20 de la rue Monsieur le Prince. Ce soir-là, sa couleur de peau lui a peut-être sauvé la vie. Le jeune homme a voulu rentrer, donc elle était pas tout à fait fermée, donc j'ai ouvert la porte pour le laisser rentrer et j'ai fermé la porte au CRS. Mais cela, malheureusement, avait mis leur matraque entre les deux battants des portes, donc j'ai pas pu fermer la porte complètement. Et ils ont forcé le passage. J'ai résisté pour pas qu'ils rentrent. Et bon, ils étaient trois, ils étaient beaucoup plus forts que moi, donc il n'y avait pas de discussion possible. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils se sont précipités sur, je crois qu'il s'appelait Malik, et l'ont roué de coups, matraque et coups de pied. Et moi, j'ai reçu quelques coups de matraque sur la tête. Après le départ des policiers voltigeurs, une ambulance arrive, les journalistes débarquent, on tente une réanimation devant les flashs et les caméras. Le corps de Malik est transporté à l'hôpital Cochin, sans espoir. La mort est officielle à 3h20 du matin. Les massages ne sont qu'illusions. Malik est bien mort avant l'arrivée des secours, seul derrière cette porte du numéro 20 de la rue Monsieur le Prince. Dans les couloirs de l'hôpital, on dénombre une multitude de blessés. Ce soir-là, les CRS et les voltigeurs se sont fait la main sur d'autres personnes, dont Olivier Baudry, victime de multiples traumatismes, bivalant 165 jours d'arrêt de travail. Il est militant RPR, il était à Paris pour l'anniversaire de son parti. Il ne participera pas à la fête. Quelques heures plus tard, l'information de la mort de Malik ouvre les journaux des matinales sur les radios. À Meudon-la-Forêt, c'est le téléphone qui réveille la famille Oussekine. Aux informations, on a cru entendre le prénom du plus petit de la fratrie, Malik. En vérité, personne n'a pris le temps d'appeler la famille. Madame Oussekine et ses enfants découvrent la nouvelle par la radio et la télévision. À 8h30, l'un des fils part à Paris au siège de l'Institut médico-légal. On ne lui présente pas le corps de son frère, on l'interroge comme un accusé. Ses habitudes, ses opinions politiques, ses liens avec le mouvement étudiant. Les inspecteurs cherchent la brèche où ils peuvent s'engouffrer pour cacher la bavure de leurs collègues. Alors le frère de Malik confirme que son frère est malade. Que n'a-t-il pas dit ? Le procureur de la République, Michel Géol, prend la balle au bon et affirme que la mort du jeune homme est due à son état pathologique rénal antérieur. Tout le pays semble sous le choc, le pays légal comme le pays réel. Alain de Vaquet démissionne dès le 6, prenant la mort de cet étudiant sous sa responsabilité. Le reste du gouvernement, lui, tient tête, réaffirme son soutien aux forces de l'ordre. Le lendemain, pendant qu'on fleurit les halls de l'immeuble où est mort Malik, le RPR, premier parti de France, fait comme si de rien n'était. Jacques Chirac, Premier ministre et président du RPR, lance un appel du cœur après avoir lancé celui des coups. Je lance un appel que je vous demande de relayer dans chacune de nos provinces, de nos régions, de nos départements, qui est l'appel du cœur et de la raison à la responsabilité de chacun. Ceux qui, en effet, jeunes ou moins jeunes, casqués et armés, souvent étrangers au monde étudiant, se livrent à de multiples provocations et exactions. Chacun doit comprendre qu'il s'attache à s'attaquer au principe même de la démocratie. La violence policière a enlevé la vie d'un jeune homme le 6 décembre. Le gouvernement a beau mettre en avant la fragilité physique de la victime, l'argument ne prend pas. Il apparaît au contraire comme le témoignage d'une terrible lâcheté. Et il choque profondément l'opinion. Malik est atteint d'une maladie des reins depuis son enfance. Elle ne l'a pas empêché de vivre une vie normale. Il a réussi en classe et n'a pas abandonné le sport. Le 6 décembre, ce sont bien les coups et non la maladie qui l'ont emporté. Maître Kejman, avocat de la famille, le confirme le 9 décembre devant les journalistes. Nous avons pu voir dans ce dossier une déclaration du médecin régulateur du SAMU, dont je vous lis les quelques lignes. Parlant de Malik, le médecin régulateur dit ceci. Au moment des faits, cette personne n'est pas victime d'un malaise cardiaque, mais a dû recevoir un coup derrière la tête. Je considère cette personne comme cliniquement décédée. Il serait cependant préférable de ne pas communiquer cette information à la foule. Je propose d'emmener cette personne à l'hôpital Cochin en réanimation aux urgences chirurgie afin d'éviter tout incident. Le lendemain, près de 500 000 personnes manifestent une dernière fois contre les violences policières et à la mémoire de Malik Oussekine. La famille, elle, enterre son fils. Elle attend maintenant que justice soit faite. Le 4 janvier 1990, Palais de justice de Paris. Voilà 4 ans que Malik Oussekine a quitté les siens. Au lendemain de la nuit fatale, la justice et le ministère de l'Intérieur ont tenté de brouiller les pistes sur les circonstances de sa mort. La juge d'instruction met 11 jours pour mettre en garde à vue deux voltigeurs, dont l'un a pourtant reconnu les faits dès 8 décembre. Après 2 ans d'enquête, d'expertise et de contre-expertise, le procès s'ouvre enfin, avec à la barre Christophe Garcia, 26 ans, membre du peloton voltigeur. Il reconnaît les faits, les coups, la bastonnade, mais ne semble pas comprendre la portée de ses mots et de ses actes. Créée sous Raymond Marcellin à la suite des événements de mai 68, la mission des voltigeurs est de briser toute poche de résistance parmi les manifestants ou les casseurs. Garcia, lui, exécute. L'autre accusé, Jean Smith, 56 ans, nie toujours les faits. Après 3 jours d'audience, les deux brigadiers, Garcia et Schmitt, sont jugés coupables de coups et blessures volontaires illégitimes sur Malik Houssekine. Ils sont condamnés à des peines de prison avec sursis 2 et 5 ans. Désormais, lorsqu'une grève s'ouvre dans les facs parisiennes et que le boulevard redevient brasier d'un soir, étudiants aux forces de l'ordre, tous, oui, tous, repensent à 1986, à Devaquet, à la rue Monsieur le Prince et à Malik Houssekine, bien sûr. Pour les premiers, il est une mémoire dont on hérite, pour les seconds, une histoire qui les hante. Il y avait plein de gens autour, des gens qui avaient leur propre histoire. Ils étaient ados au tout début des années 80, alors ils étaient pleins d'espoir. Ça allait changer après, mais ça, ils le savaient pas encore. Ils étaient tristes, il y en a même qui pleuraient, mais vu la situation, ils étaient au fond quand même forts lorsqu'ils essayèrent de réanimer Malik. Et pour écharpe, il y en a qui portaient le kéfi palestinien. Sur leur t-shirt d'un badge, je touche pas à mon pote, ils étaient sains. Tétisés, jeunes de cité, toute une pensée révolutionnaire en fredonnant Bob Marley pour ceux qui pensaient international, ou Renault banlieue rouge pour ceux qui connaissaient quelques bribes de l'international lorsqu'ils essayèrent de réanimer Malik. Au Dakar, des vedettes s'en vont et d'autres s'en viennent, voguant sur des océans couleur sable télévisuel. C'était le tout début de ces jeunes ambitieux qu'on dit à nos grands frères et nos grandes sœurs, on s'occupe de tout. Vous inquiétez de rien. Toutes les grandes villes de France appelaient alors Lyon ou Vaux-en-Velin. Certaines actions devinrent directes, spectaculaires, parce que pour certains le propos était devenu vain lorsqu'ils essayèrent de réanimer Malik. Des fois ça craint, ça crise, t'as des gens qui ont faim. C'était l'époque où des chanteurs se réunissaient et chantaient on est le monde, on est un. Bonhomie solidaire dissimule les fissures de l'être. Être ou ne pas être, en vie. Lorsqu'ils essayèrent de réanimer Malik, il y avait plein de gens autour de lui, des jeunes gens qui voulaient faire l'histoire. Ils trouvaient cette manif universitaire drôle, comme Kafka ou Beckett, faut croire. Ça allait changer après parce que la vie, c'est plus vrai que les livres encore. Ils étaient tristes de le voir inanimé comme ça sur le sol. Ils pleuraient tous, mais vu le dramatique de la situation, ils étaient tous quand même forts lorsqu'ils essayèrent de réanimer Malik. Et pour couronner le tout, la nuit vrombissée, chevauchée par une sorte de gendarme à moto, comme un faible écho de cette nuit cousine germaine où il plut des cristaux. Talitaire, pensée fascisante, la bête immonde peut prendre de subtiles formes pour ceux qui ont peur de leurs jeunes. Pour ceux qui se rendent pas compte qu'on est tous juste des hommes lorsqu'ils essayèrent de réanimer Malik. Au placard, nos pères et mères rangèrent leurs roses et leurs rêves. Mais pas tout de suite, cela se fit progressivement, d'illusion en désillusion. Toutes les grandes villes de France allaient bientôt s'appeler banlieue. Eh oui, lorsqu'ils essayèrent de réanimer Malik et que celui-ci ne se réveilla pas. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la mort de Malik Houssekine en 1986. Notre invité, le philosophe et sociologue Geoffroy de Laganerie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur notamment d'un essai intitulé « Penser dans un monde mauvais ». Alors, penser, pour un philosophe, c'est une seconde nature, certes. Il est vrai également que les temps que nous vivons ne sont pas spécialement humains, mais c'est quoi ce monde mauvais dont vous nous parlez? Le monde mauvais, c'est l'un des mondes dont Malik Ousekine a été victime, et aujourd'hui dont des gens dont Adama Traoré ou Théo ont été victimes. C'est-à-dire, c'est le monde de la violence, le monde de la domination, le monde de l'oppression, et je crois que précisément, le rôle de l'intellectuel, le rôle de la pensée, c'est d'essayer d'identifier qu'est-ce qui ne va pas dans le monde et d'essayer de s'affronter aux lignes de fracture ou aux systèmes de domination. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la question de la police, aujourd'hui, la question de la violence policière est l'une des questions centrales. Quand on réfléchit sur le monde social, quand on est de gauche comme moi, c'est vrai que très souvent, la question économique est mise au centre de la réflexion sur le monde. Et je suis très, très persuadé, moi, au contraire, que pour tout un ensemble de gens, et notamment pour les jeunes noirs et les jeunes arabes, la question du rapport à la police, la question de qu'est-ce que c'est qu'être confronté en permanence à la police, est peut-être une des choses les plus clivantes dans la subjectivité, dans la manière de se mouvoir même dans l'espace public, et que par conséquent, il est très important aujourd'hui de mener une réflexion sur la question du rapport entre la police et la question des jeunes noirs et des jeunes arabes. Vous savez, il y a eu une statistique qui est sortie il y a quelques jours, qui racontait qu'en gros 14% de la population générale française était contrôlée au moins une fois par an par la police, mais que ça concernait 80% des jeunes noirs et des jeunes arabes. C'est-à-dire qu'il y a un rapport quotidien, un rapport pratique, permanent pour ces jeunes populations avec la police, et que par conséquent, je suis très très frappé par le fait que selon moi, il faut brancher tout de suite la question policière sur la question du racisme, sur la question du rapport avec la manière dont la police traite les jeunes noirs et les jeunes arabes, et on le voit avec Malik Ousekine, on le voit avec Adama Traoré, c'est toujours des jeunes noirs ou des jeunes arabes qui meurent, et il y a eu un rapport récent sur les ensembles de personnes qui ont été morts par la police, il y en a en gros une personne par mois qui est tuée par la police en France, on le sait assez peu, et il y a l'ACAT, une association chrétienne de lutte contre la torture qui a fait un rapport très complet il y a quelques années sur ça, et qui montrait que 90% des victimes sont des jeunes noirs et des jeunes arabes. Donc pour moi, je crois qu'il faut arriver à décaler le regard spontané par rapport, c'est pas seulement la question de la police et de la déontologie, c'est la question du racisme et du rapport que l'État et l'État pénal entretient avec aujourd'hui les jeunes noirs et les jeunes arabes en France. Alors justement, l'État pénal qui nous renvoie effectivement à la police à partir de la peine, mais aussi et surtout à la justice, quel est votre regard sur les décisions de justice qui sont rendues quand un policier est impliqué? Alors moi, je dois dire que j'emploie une réflexion assez forte là-dessus, puisque je réfléchis de façon critique sur la manière dont le pouvoir et le système de pouvoir nous donnent des catégories qui croient qu'on critique le pouvoir alors qu'on le fait encore fonctionner. Et c'est pour ça que, pour ma part, je mène une réflexion critique sur la catégorie de violence policière, qui, à mon avis, est une catégorie qui fait diversion, parce qu'elle conduit à considérer comme violent que ce qui est illégal, et elle ne permet pas, à ce moment-là, d'interroger ce qui est violent dans l'acte ordinaire du système judiciaire. Le simple fait d'être arrêté, le simple fait d'être contrôlé par la police, d'être arrêté, même si c'est légitime, même si c'est légal, c'est une violence qui est exercée. Donc on ne doit pas appeler violent seulement les actions qui sont différentes de la loi. Il faut réfléchir sur l'ordre policier en tant que tel. Qu'est-ce que c'est qu'interpeller quelqu'un? Qu'est-ce que c'est qu'arrêter quelqu'un? Qu'est-ce que c'est qu'emprisonner quelqu'un? Et que si on se concentre que sur les choses illégales, alors à ce moment-là, on cède du terrain par rapport à une critique radicale de l'ordre policier. Et c'est pour cette raison que, pour ma part, je suis contre et je m'oppose au fait d'appeler à la répression des acteurs de violence policière. Et je ne crois pas qu'il faille dire que justice pour Malik Ousekine, justice pour Adama, justice pour Théo, ce soit de poursuivre les policiers ou les gendarmes et de les mettre en prison, pour une raison très simple. Parce que je crois que quand on fait rimer la question de la justice avec la question de la répression, alors d'une part, quand on est dans une pratique de critique, on en vient à parler le langage de l'État pénal, mais en plus, on en vient à penser que le problème, ce sont des individus. C'est-à-dire, si on dit répression, justice pour Adama Traoré ou justice pour Théo égale qu'est-ce qu'a fait ce gendarme, qu'est-ce qu'a fait ce policier, alors on est amené à individualiser le problème, à voir s'il y a eu une défaillance, s'il y a eu une brisure individuelle, si ce flic ou ce gendarme en particulier était raciste, et alors on ne met pas en question la structure policière elle-même, et à ce moment-là, on ne se donne pas les moyens d'interroger les structures politiques elles-mêmes. Moi, je crois qu'il est très important, si vous voulez, d'interroger vraiment voilà, l'ordre policier en tant que tel, et donc c'est pour ça qu'il y a une certaine manière de croire qu'on critique le pouvoir en le faisant encore fonctionner, c'est pour ça que je réfléchis beaucoup à ça en ce moment. Vous êtes un philosophe, vous êtes un disciple de Michel Foucault, j'ai l'impression d'entendre surveiller et punir là. Mais ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites, d'autant que pour moi, je vais vous dire, l'une des choses qui m'intéresse beaucoup, c'est de dire qu'il y a aussi une manière de se concentrer sur la police, qui est une manière de ne pas interroger un autre versant très important du système pénal, qui est la justice. Et vous savez, moi je crois qu'aujourd'hui, quand on réfléchit de façon critique sur l'État pénal, il y a deux grands pôles qu'on a assez tendance à mettre mettre au centre, qui sont la question policière et la question de la prison, de l'incarcération, et qui est cette espèce de case noire qu'on interroge beaucoup moins, qui est le tribunal, qui est le fait de juger, le fait de réprimer des gens, qui était dans mon livre précédent, qui s'appelait Juger, qui était une ethnographie de procès d'assises aux Assises de Paris. Et je crois très profondément que si jamais nous voulons attaquer le système pénal, il faut attaquer le centre du système pénal, parce qu'après tout, pour qu'il y ait de la police et pour qu'il y ait de la prison, il faut qu'il y ait de la justice. Et peut-être qu'il y a une violence de la justice qui est aussi importante, mais qui est moins vue. Et moi, je crois que le rôle de la pensée, c'est de concevoir ce comme violence que nous ne percevons pas comme violent. Aujourd'hui, en ce moment, il y a une autre affaire qui est très importante, qui est l'affaire d'un garçon qui s'appelle Antonin, qui est un étudiant de L2 en sociologie à Nanterre, qui est en prison depuis 9 mois pour des incidents aux marges des manifestations de la loi travail, qui est accusé d'avoir cassé une vitre d'une voiture de police, ce qu'il nie, et il est inculpé, enfin il est mis en examen pour tentative d'homicide volontaire sur un policier, ce qui fait qu'il est retenu par l'État en détention provisoire depuis 9 mois. Et alors là, vous voyez, tout est normal, tout est régulier, tout est légal, et pourtant, ce garçon, l'État pénal transforme casser une vitre en tentative d'homicide volontaire passée de la prison à perpétuité. Ça, c'est une violence de l'État pénal, mais qui n'est pas perçue comme telle, qui suscite moins d'indignation publique, et peut-être qu'à mon avis, si on attaque le cœur du système, si on attaque ceux que nous ne percevons pas comme violents, si nous attaquons comment l'État nous réprime, comment l'État nous juge, alors peut-être on pourrait à ce moment-là faire défaillir aussi la manière dont la police fonctionne et dont la prison fonctionne. Alors vous dites que c'est une question raciale, notamment, oui. Et pour les exemples qu'on a abordés, bon, c'est aussi une question sociale. Essentiellement, je ne sais pas si c'est essentiellement, mais c'est aussi une question sociale. C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Non, je ne crois pas. Je crois très profondément que la question raciale est centrale. Vous savez, il y a un très bel article qui avait été publié par Le Monde de Garnett Cadogan, qui était un écrivain noir américain, qui avait dit qu'est-ce que c'est qu'être noir dans la rue aux États-Unis aujourd'hui, et qui racontait que être un noir dans la rue aux États-Unis, c'est être incapable de bouger, parce que si jamais vous marchez trop vite, la police soupçonne que vous êtes en train de fuir un lieu de cambriolage. Si vous marchez trop lentement, elle pense que vous êtes en train de guetter. Si vous vous asseyez à un coin, elle pense que vous êtes en train de dealer. Si vous êtes assis un banc, elle pense que vous êtes en train d'être un Mac, etc., et que vous surveillez votre quartier, etc. Et donc, il dit, un noir est tétanisé, ne peut pas bouger dans l'espace public. La police incarne une forme d'incapacité pour les noirs d'être là. Ils sont toujours suspects, toujours peur d'être soumis à l'arbitraire policier. Et je crois, moi, très profondément que la police, de fait, par le système des contrôles d'identité, par le système de la répression policière, vise à faire que les noirs et les arabes se sentent en insécurité dans l'espace public, se sentent en forme illégitime d'apparaître dans l'espace public. Et c'est pour ça que, moi, je dis que, de plus en plus, il faut concevoir l'ordre policier comme une manière de maintenir une forme de suprématie blanche sur l'espace public. Moi, je suis un jeune blanc, bourgeois, je n'ai jamais été contrôlé de ma vie par la police, je n'ai jamais eu de problème de bouger dans l'espace public, même en faisant des choses qui étaient limites, même en ayant fait des choses, etc., étant bourré, j'en sais pas. Bon, mais pour d'autres gens, même en n'ayant rien fait, ils savent que la BAC peut tomber sur eux à tout moment, donc il y a cette affaire-là. Et ça me fait bien dire une dernière chose, je pense qu'il faut se méfier des mots qu'on emploie. Et c'est vrai que l'émission porte sur Malik Houssekine, et c'est vrai qu'on dit toujours l'affaire Houssekine, l'affaire Traoré, l'affaire Théo. Je pense, moi, qu'il faut pas nommer les choses comme ça, parce que ça individualise. En fait, il n'y a pas d'affaire Houssekine. Il y a l'affaire des voltigeurs. Il n'y a pas d'affaire Théo. Il y a l'affaire de la BST de Onesuwa. Il n'y a pas d'affaire Traoré. Il y a l'affaire des gendarmes. C'est une façon de trouver un repère. Non, parce que vous savez, cette très belle phrase de Sartre qui dit méfiez-vous des gens qui parlent évidemment d'un problème juif. Il n'y a pas de problème juif, il y a un problème de l'antisémitisme. Oui, et ben, c'est pareil, il n'y a pas d'affaire Houssekine. Il y a l'affaire de la police. Et si on pense comme ça, on pense tout de suite en termes structurels et politiques et pas en termes de faits divers. Alors, l'affaire des voltigeurs qui ont tué Malik Houssekine, elle a une résonance très forte. J'ai l'impression que même s'il y a eu d'autres bavures, pour le coup, c'en est une, celle-là, elle était... c'est presque un fondement. On fait toujours référence à l'affaire de Malik Houssekine tué par des voltigeurs. Parce que de fait, ce que votre reportage montre parfaitement, c'est que ce ne sont pas des affaires singulières qui se passent, ce sont des logiques qui se déploient et qui sont toujours identiques en fait. On le voit très bien dans ce que vous dites, c'est-à-dire effectivement ça tombe sur un jeune arabe qui n'a peut-être rien à voir avec les manifestations, donc on voit que c'est pas une question du rapport de la police aux manifestations, c'est la question du rapport de la police à un jeune arabe qui marche dans l'espace public. On voit la question du mensonge de l'État qui organise diffuser l'idée que c'est son état de santé qui est responsable, et c'est la même chose qui s'est passée pour Adama Traoré. On voit, qui est pour moi un grand mystère, je vous le dis, politique, c'est le suivisme des hommes politiques par rapport à la police. Moi, je suis très très frappé par ça, même à gauche, que quand il se passe quelque chose, des affaires aussi graves, aussi extraordinaires, la première réaction c'est je dis toute ma confiance dans la police, il ne faut pas mettre encore que les forces... Ce sont les représentants de l'État, monsieur. Voilà. Non, représentants de l'État, c'est nous que ça doit représenter. C'est nous l'État, et c'est nous qui devons être protégés. C'est les victimes qui doivent être protégées par l'État. Et le rôle est fait précisément pour protéger les victimes contre les coupables. Quand un policier fait une action illégale, ce n'est plus un policier, c'est un voyou qui fait quelque chose d'illégal, et à ce moment-là, la loi n'est pas de son côté, et il doit la protéger la victime d'un voyou, et ne doit pas protéger les voyous. Oui, mais enfin, il y a l'uniforme. Ah oui, mais et l'uniforme, voilà. Vous savez, c'est quelque chose qui est variable. C'est-à-dire qu'il faut arriver, je pense moi politiquement même, à distinguer la police de la loi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la police incarne la loi, et à ce moment-là, elle est légitime à exercer un type d'action contraignante, bien sûr. Mais il y a aussi des moments où, si elle sort de la loi, elle n'est plus policière. L'uniforme lui est ôté en un sens, et elle devient juste un voyou armé qui exerce une action. Et à ce moment-là, on a le droit de se défendre contre elle. Il y a des très très grands textes sur ça, du Black Panther Party, sur l'autodéfense armée ou sur l'autodéfense contre la police, qui dit le lieu de la loi n'est pas toujours dans ceux qui portent l'uniforme. Alors, on s'en souvient, bien sûr, c'est récent, c'était le 2 février, il y a un mois, à la Cité de la Rose des Vents à Aulnay-sous-Bois. Théo, donc, ce jeune homme de 22 ans, se faisait très brutalement violenter par 4 policiers de la BST, la brigade spécialisée de terrain. L'un des policiers a été mis en examen pour viol, accusé d'avoir introduit sa matraque télescopique dans l'anus de Théo, provoquant une blessure grave de 10 cm de longueur. Annel Verzo, bonjour. Bonjour. Il se trouve que vous êtes rendu, justement, à la Cité de la Rose des Vents à Aulnay, là où Théo a été interpellé et violenté. Oui, par un après-midi ordinaire ou presque, devant l'immeuble où habite Théo, rencontré des amis à lui, encore traumatisé par ce qui s'est passé et craignant la police, l'un des seuls services publics pourtant encore présents dans la cité. Et depuis l'affaire Théo, les relations avec la police sont encore plus difficiles, on comprendra aisément, et y compris pour les femmes. Vous avez quel âge ? 30 ans. Est-ce que vous avez peur des policiers en tant que femme ? Franchement, il y a quelques temps, je vous aurais dit non, mais ma copine, elle s'est fait interpeller lundi. Elle est là avec moi au téléphone en plus. Ma copine, elle s'est fait interpeller lundi dans sa voiture avec ses enfants, juste là au bout du galion. La police, avec les pistolets et tout, ils ont essayé de rentrer les pistolets dans la voiture avec les enfants. Les enfants de 2 ans, 6 ans et 10 ans. Ils ont super eu peur pendant 2 jours. C'est-à-dire même la nuit, ils se réveillaient la nuit tellement ils ont eu peur. Ça s'est passé dans le galion en plein après-midi, lundi. Juste parce que l'assurance a été brimée d'une semaine, ils ont interpellé ma copine et tout, tapé sur la vitre, mettre le pistolet dans la voiture. Les enfants, ils ont paniqué. Ça s'est passé lundi là. Pistolet dans la voiture ? Ouais, le flashball carrément. Je vous jure, la personne, elle est là au téléphone là. Ouais, pour qu'elle vous entende aussi que je parle d'elle. Et non, bah après, en fait, après tout ça, la police, voilà quoi. On évite. Maintenant, on évite. Franchement, on évite. Même les enfants, quand ils voient la police, c'est limite, ils me tiennent la main un peu plus fort et tout. Je trouve ça triste, hein. Franchement, c'est triste, c'est triste. Et s'il y a des policiers qui viennent ici, mettons demain, pour essayer de discuter avec vous et puis dire, bon, maintenant, on essaye de se réconcilier, est-ce que vous seriez d'accord ? Mais oui, mais il n'y a pas de souci. Ils peuvent venir discuter. On les met pas tous dans le même sac. Ça veut pas dire que c'est des policiers qui sont tous méchants. Il y a des policiers pacifiques. Mais le problème, c'est que c'est comme nous, en fait. Dans la cité, s'il y a quelqu'un qui veut se faire un nom, qui veut être un caïd, il va être imposant, il va faire la misère aux gens. Bah, c'est pareil dans la police. Il y en a qui veulent se faire un nom, ils deviennent agressifs pour rien. Et voilà. Je voulais dire quelques mots aussi. Par rapport au maire aussi, M. Bruno Béchiza. Voilà. Et le maire, les Républicains d'Aulnay. Le Républicain d'Aulnay. C'est un très bon maire, mais... Il faudrait qu'ils mettent plus d'activités pour que les jeunes arrêtent de traîner dans les quartiers comme ça. Beaucoup, hein. Déjà, il a supprimé Aulnay Plage et tout. Et en gros, ils ont réduit même les budgets avec les SMG et tout. Oui, on n'a plus d'assistante sociale aussi à Aulnay-sous-Bois. Je tiens ça à ça, c'est très important et c'est très, très, très grave. Moi, je viens d'arrêter de travailler, c'est-à-dire que je n'ai pas d'assistance sociale. Mais je suis dans ma merde quand même. Et j'ai pas d'assurance sociale. Je fais comment ? C'est-à-dire moi aussi, je dois foutre la merde pour finir mes fins de mois, en fait. Oui, avec combien par mois, si c'est par 10 ? Franchement, là, au jour d'aujourd'hui, vu que je travaille plus et que je touche le RSA pour mes enfants, mes 3 enfants, je suis à 800 et quelques euros. Il nous fait croire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, mais il y a toujours de l'argent. Il nous faut plus de projets. Ça va permettre à nos petits frères de ne pas traîner dehors et d'éviter de fréquenter la police et d'éviter ces bavures. Parce que la police, des fois, ils aiment bien trop chercher. Et quand on est là en galère et tout, on peut faire des choses dont on n'est pas conscient. C'est le maire, il est trop malade, c'est pourquoi ? Vous avez kiffé sur madame. T'es nouveau dans la tête, qui est là, tu parles, tu m'agresses. T'as envie de dire quelque chose? Ouais, je veux dire. T'as quel âge? J'ai 12 ans. 12 ans. Théo, ça se fait pas, qu'est-ce qui s'est passé? Et les policiers, je comprends pas pourquoi ils sont pas partis en prison, ils sont partis dans une autre ville. Plus sachant qu'il y a les élections présidentielles en 2017. Mais voilà. Et vous allez voter pour qui ? Moi ? Jean-Luc Mélenchon. Je ne comptais pas voter, mais je vais voter Mélenchon. Non, tout le monde vend du rêve, surtout pas Marine Le Pen. Vous pensez qu'il va se passer quoi maintenant ? Vous attendez le jugement aussi ? Bah, on attend tous le jugement avec impatience. Et franchement, je crois que si la réponse elle est défavorable, je crois que ça va être la guerre. Et j'espère déménager si c'est ça. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de guerre, mais on va se révolter en gros. En tant que citoyen, on va manifester. On ne veut pas de problème, on veut pas, on veut... Ce sera une révolte pacifique. Voilà, c'est tout. Alors, on veut se révolter, en même temps on veut des solutions pacifiques, et de fait des habitants de la cité de plus en plus nombreux cherchent des solutions concrètes pour améliorer les relations entre les jeunes et les policiers. Alors c'est le cas notamment d'Adama Traoré, un pilier de la Rose des Vents, donc de la cité, fondateur du mouvement La Révolution est en marche. Il a rencontré des policiers du collectif Citoyens et Policiers, et ensemble ils ont préparé déjà 30 propositions qu'ils s'apprêtent à soumettre au maire d'Aulnay-sous-Bois. Et Adama Traoré, précisons-le, c'est aussi un ami proche de Théo. Théo, un jeune homme meurtri, sa famille meurtrie, son futur ne sera jamais plus le même. Et je sais de quoi je parle, que je le connais très bien. Donc à un moment donné, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, moi j'ai eu des policiers qui ont venu témoigner à mon domicile. À un moment donné, ça m'a touché. C'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de policiers qui sont issus des quartiers populaires. Moi j'ai parlé avec un agent de la BST de Stein. Il me disait comme quoi, moi Adama, c'est clair aussi, à un moment donné, lorsque toute la journée tu te fais caillasser, tu te fais insulter par des personnes, parfois quand t'es mal luné, eh bien tu peux avoir des réactions, même toi tu les comprends pas. C'est que lorsque j'ai répondu, je lui dis mais tu as la formation normalement pour pouvoir avoir un message d'apaisement par rapport à une personne qui est virulente envers toi. À un moment donné, c'est toi qui signes un contrat. Et là le problème, mais comment ils sont formés pour ça? Il faut se poser les vraies questions. C'est qu'à un moment donné, lorsque vous avez des policiers qui disent clairement que la formation elle est tronquée, exemple tout simple. Un policier en France a 12 heures de formation au tir. 12 heures. De formation au tir annuel. Ça fait une heure par mois. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ils ont voté une loi qui facilite la légitime défense par rapport au tir. Voilà, c'est ça la réalité de la France aujourd'hui. Jean-François de la Gannerie, vous avez remarqué qu'il y a à la fois un sentiment de très grande colère, de révolte, et puis en même temps, de la part de ces mêmes personnes, d'essayer de trouver des solutions, du dialogue, qui peut l'emporter sur l'autre. Il est certain qu'en tout cas, l'une des questions très importantes, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces affaires s'arrêtent? Et le grand problème qui se pose, c'est qu'effectivement, ces affaires ne cessent de se reproduire. Ça veut dire qu'on n'a pas encore arrivé à trouver des solutions pour, en fait, ce qu'on peut dire, policer la police, pour arriver à incarner une force qui va pouvoir contrarier la force policière. Donc moi, je crois que ce qui était très beau dans le reportage, c'est l'idée qu'effectivement, de faire rimer une politique de sécurité, non pas avec une politique répressive, mais avec une politique sociale. C'est-à-dire d'essayer de redéfinir le mot, et que si nous voulons essayer de produire de nouveaux types de vie dans ce genre de lieu, eh ben, c'est par la sécurité sociale, c'est par des politiques sociales, des politiques culturelles, des politiques d'emploi que l'on pourra arriver beaucoup plus. Donc c'est bien une question sociale aussi. Bien sûr que la question sociale s'y mêle aussi, mais ça c'est du côté des habitants aussi. Oui. Après, il y a du côté des pratiques policières. Et moi, je crois que de ce point de vue-là, il faut remettre en question aussi l'ensemble des instruments par lesquels la police se donne un droit sur nous. Parce que moi, je suis quand même très frappé par quelque chose sur l'affaire Adama Traoré, par exemple. Quand vous en souvenez, Adama Traoré, c'est quelqu'un qui n'était pas recherché, qui n'était pas soupçonné de rien, mais juste un policier voulait contrôler son identité, il n'avait pas sa carte d'identité, il est parti, il a couru. Et la police s'est mise à la gendarmerie à lui courir derrière. Alors l'une des questions qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que la gendarmerie court derrière quelqu'un qui court? Pourquoi est-ce qu'elle ne le laisse pas partir? Qu'est-ce que ça peut bien faire que ce jeune homme court? Et alors ça veut bien dire que la police a un genre un sentiment qu'un noir qui court, c'est comme un danger. Ou alors ça veut dire qu'on devrait forcément appartenir à la police. Et moi je crois qu'il faut mettre en question l'ensemble de l'inconscient policier selon lequel nous avons une obligation de lui obéir, une obligation d'être à la disposition de la police. Et qu'en fait il faut freiner la pulsion policière de nous contrôler et de lui appartenir. Et pour ça, il y a une autre mesure qui est très importante pour moi, et je le dis, c'est la question des drogues. Parce qu'en fait, la criminalisation des drogues est ce qui permet d'avoir un arbitraire policier très très grand sur la fouille, sur les arrestations quotidiennes, sur les gens qui fument un joint, etc. Et qu'au fond, on voit très bien comment lutter contre la question policière, c'est aussi, on pourrait dire, dépoliciariser la question de la police. C'est-à-dire, il y a plein d'autres politiques qu'on peut mener qui vont pouvoir limiter la question de la police. Par exemple, légaliser les drogues, comme moi je le prône en tant que libertaire, parce que je pense que l'État n'a pas à contrôler la manière dont on gère notre propre corps si on ne fait pas d'autres victimes que nous-mêmes. Et bien précisément, ça limite considérablement immédiatement le pouvoir policier sur plein de gens. Et donc vous voyez comment la question de la police est une question totale. C'est une question démocratique, c'est une question légale, c'est une question sur la question libertaire. Ça n'est pas seulement une question de la police, c'est aussi la question dont on a parlé du racisme. En fait, des politiques antiracistes seraient très très puissantes pour transformer l'état d'esprit de la police et donc aussi la manière dont elle se comporte. Et donc je crois qu'il faut faire attention à pas penser que la question policière se réduit à l'action de la déontologie, d'avoir de la formation, de manier mieux les armes. C'est une question totale qui doit être resignifiée dans un ensemble de réflexions sur l'État aujourd'hui. Il nous reste une minute. La police de proximité a semblé constituer quand même une réponse sous le gouvernement Jospin notamment. Et puis quand Nicolas Sarkozy est arrivé, il a dit, vous souvenez, des policiers, vous n'êtes pas des assistants sociaux. Bon. Oui. Alors, police de proximité, c'est une réponse ou pas? Non, moi je crois que la vérité, ce serait déjà de dire la vérité. Moi, vous avez parlé dans le reportage sur Malik Ossekine, sur la petite plaque qui est Monsieur le Prince. Moi, j'y passe souvent quand je vais faire mon séminaire à la Sorbonne. Vous savez, il y a marqué Malik Ossekine frappé à mort. Ouais. Il n'y a pas marqué par la police, vous savez. Et très régulièrement, il y a des gens, des militants anarchistes qui viennent marquer un petit bout de carton par la police, et la police l'enlève tous les matins et les gens le remettent. Et je pense que ça, c'est un symbole très très fort, comment l'État veut pas dire la vérité de ce qu'il a fait, veut pas reconnaître ses fautes, la police veut pas dire qu'elle a mal agi, etc. Et que l'un des enjeux, si jamais on veut essayer de transformer ces systèmes aujourd'hui, c'est dire la vérité, que l'État sache dire la vérité de ce qui s'est passé, et que si jamais on changeait cette plaque en marquant mort et frappé par la police, déjà ça changerait beaucoup de choses. Je vous remercie infiniment, Geoffroy de Laganerie. Je rappelle le titre de votre essai, Penser dans un monde mauvais, publié en septembre dernier aux éditions PUF. Merci. Je vous remercie. Presse universitaire de France. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Malikou Sekine et les violences policières, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la crise de Suez, voyage dans les années 50.